Si, un forgeron qui travaille en finesse et qui a en charge la production de divers objets. Il réalise tous les outils nécessaires à l'agriculture. Il est également en charge de la création de la tirerie des soldats.